Tristan, Tristan Pâté. Sauvez pas le roi. Fisqué à des pieds. Pas d'avoir un fils qui sent le pâté. C'est ça. Tu connais Chantal? Écraye, c'est Chantal. Écraye, c'est Chantal. Écraye, c'est Chantal. Crayeuse. Tu connais Chantal quand elle ouvre la bouche, ça sent trop le maouel. Il disait Goulius. Elle est tellement imposée, c'est pour ça que c'est une crayeuse. Christelle, t'es pâté, t'es Christelle pâté. Campagne. Christelle, t'es pâté, t'es Christelle pâté. Deux fois. Christelle, t'es pâté, t'es Christelle pâté. Christelle, t'es pas la cousine. Chantal Goulius. Chantal la gouelle sous tes aisselles. Viens de béchamel. Chantal la gouelle dans tes oreilles. C'est la galette des rois. Chantal Goulius, 3 litres de vin et un bon gros mulus. Chantal Goulius, elle écoute beaucoup trop de. De musique de merde.